إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله جل وعلا وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه فإن تقوى الله فيها سعادة المرء وفلاحه في دنياه وأخراه عباد الله لقد وصف الله جل وعلا المؤمنين الكمل من عباده بصفات عديدة دالة على كمال دينهم وقوة إيمانهم وحسن معرفتهم بربهم وتمام محافظتهم على الإيمان في سورة من كتاب الله عز وجل أسماها المؤمنون قال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ألا ما أعظمها من نعوت وما أجلها من صفات نعتهم الله بها فذكرها حلية لهم وزينة وجمالا فأوجبت تمام دينهم وكمال إيمانهم ومن هذه الصفات خشيتهم من الله وذلك لحسن معرفتهم به جل وعلا ومنها وجلهم وخوفهم من على إيمانهم لأنه أثمن شيء يملكونه وأغلاه وأعلاه فكان خوفهم على الإيمان أشد من الخوف على أي شيء آخر لعظم مكانة الإيمان في قلوبهم وقد جمع الله لهم حسن الإيمان والعمل مع الخوف والوجل من أن لا يقبل الإيمان أو أن يرد العمل وهذه حال المؤمن كامل الإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله وعليكم السلام إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة وإن المنافق جمع بين إساءة وأمن أعيد مرة أخرى كلام الحسن البصري إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن عباد الله عندما نتأمل في سيرة السلف رضوان الله عنهم رضي الله عنهم ورحمهم وما كانوا عليه من هدي عظيم وإيمان قويم وحسن صلة بالله جل وعلا نرى في الوقت نفسه خوفا شديدا قام في قلوبهم على إيمانهم ودينهم من أن تتبدل القلوب أو يتغير الإيمان أو يتحول الحال إلى النفاق نسأل الله العافية عباد الله انظروا كيف مع كمال إيمانهم وقوة دينهم كانوا يخافون من النفاق خوفا شديدا. وقد جاءت نقول متكاثرة في كتب الحديث والسير شاهدة لذلك ودالة عليه. قال عبد الله ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو في الإيمان والدين، وأنه أتى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال: أنشدك الله، أنشدك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وجاء عن جبير بن نفير وهو من علماء التابعين رحمه الله تعالى قال: أتيت أبا الدرداء وهو كان يصلي، فلما كان في آخر صلاته بعد التشهد وقبل أن يسلم سمعته يتعوذ بالله من النفاق ويكثر من ذلك، فقلت له: وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق، وأي مكانتي أي مكانتك عظيمة وأنت صحابي جليل؟ فقال رضي الله عنه: دعنا عنك، فوالله إن الرجل ليتقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه إيمانه. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أحد التابعين من أئمة التابعين أنه قيل له: إن ناسا يقولون لا نفاق، فقال رحمه الله: لأن أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلائع الأرض ذهبا. وقال رحمه الله تعالى: والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وقال رحمه الله: ما خاف أي النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. وقيل له رحمه الله: أتخاف النفاق؟ قال رحمه الله: وما يؤمنني وقد خافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال معاوية بن قرة رحمه الله: لأن أكون ليس في شيء من النفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها، وكان عمر يخشاه ولا أخشاه أنا. فهذه نبذ يسيرة من سيرة القوم رحمهم الله ورضي عنهم، فهم مع كمال إيمانهم وتمام عبادتهم وحسن صلتهم بالله جل وعلا يخافون من النفاق خوفا شديدا، بخلاف عباد الله من كان مضيعا مفرطا متهاونا متكاسلا غير مبال بأمور الإيمان وأعماله وخصاله، ثم هو في الوقت نفسه يرى أنه في سلامة تامة من النفاق، وأن إيمانه لم يحصل له ما يثلمه أو ينقصه. وعندما نتأمل في النصوص الواردة في علامات النفاق وصفات المنافقين كقول الله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نسأل الله العافية. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صفات المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فذكر من صفاته تأخير الصلاة عن وقتها والاتيان بها نقرا وقلة ذكر الله فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار. وعن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. وروى هذه الأحاديث الأربعة مسلم في صحيحه. عباد الله، ومن يطالع هذه النصوص المشتملة على صفات المنافقين وغيرها مما ورد في هذا الباب، يجد أن في الناس من يكون متصفا بهذه الصفات أو ببعضها أو بكثير منها أو بها وزيادة عليها، وهو في الوقت نفسه يرى أنه في سلامة تامة من النفاق، وأن إيمانه لا نقص فيه ولا ثلم. عباد الله، شتان بين حال المؤمنين الكمل وبين من ضيعوا إيمانهم. إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. نسأل الله العلي العظيم أن يعيذنا من النفاق، ونسأل الله العلي العظيم أن يعيذنا من النفاق، نسأل الله العلي العظيم أن يعيذنا من النفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيغفر الله خير الله سبحانه وتعالى. Avant de commencer, je voudrais juste vous demander de vous rapprocher encore. Et c'est étonnant, à chaque vendredi, quand on sait déjà à l'avance que vers la moitié de la khutbah, la mosquée est presque pleine. Et donc il y a des gens qui arrivent et qui sont obligés de rester debout, mais que ça devient pas quelque chose d'automatique en nous-mêmes, de prendre l'habitude de se rapprocher les uns des autres et d'essayer de faire le plus d'espace possible pour ceux qui sont en arrière. Je pense que je ne devrais pas avoir à le répéter à chaque fois. Je pense que ça devrait être naturel de la part d'un musulman pour son frère de penser à lui et de vouloir justement essayer de lui faire un peu d'espace pour qu'il puisse être capable de faire ses rak'atayn. Mais quand même, c'est pas grave de faire le rappel à chaque fois, ça me dérange pas, mais c'est juste quelque chose qui me surprend en même temps, que ce soit pas quelque chose de naturel. Il y a un espace là, s'il vous plaît, essayez de le remplir. Ici il y a de l'espace, essayez de le remplir aussi. Si vous voyez devant vous un trou vide, essayez de le combler. Comme ça, ça fait plus d'espace pour tout le monde. Surtout que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en congé. Et donc, c'est pour cette raison que la mosquée est plus remplie que d'habitude. Barakallahu fikum. Ayant dit cela, je vous rappelle, mes chers frères en Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa révélation, dans le Coran al-Karim, sa noble parole, il a décrit les croyants qui sont parfaits et qui ont complété leur foi par différentes descriptions de noblesse et de piété dans son livre, dans un verset qui s'intitule Al-Mu'minun, c'est-à-dire les croyants. C'est-à-dire ceux qui sont décrits dans cette verse, dans cette sourate, sont ceux qui ont complété la réalité de la signification complète et parfaite de la foi. Le niveau le plus complet et le plus parfait de Iman. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet que ce sont ceux qui sont remplis de crainte vis-à-vis de leur Seigneur. Ceux qui croient au verset de leur Seigneur. Ceux qui ne font pas de shirk avec leur Seigneur dans leur adoration. Et ça, ça comprend bien entendu les formes de shirk majeures et les formes de shirk mineures, comme l'ostentation et autres. De même que ceux qui donnent de leur argent ou qui font des actes de bien, alors que leur cœur frémisse à savoir qu'ils vont retourner devant Allah au jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'ils font des actes de piété et des actes de bien, mais ils ont quand même, malgré tout, peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils ont peur que leurs œuvres ne soient pas acceptées au jour de la résurrection. Hein? Donc c'est-à-dire que les vrais croyants, ils ne se sentent jamais en sécurité, ou ils n'ont jamais l'idée que c'est garanti pour eux, que le paradis, hein, c'est dans la poche pour eux. Non. Ils ont toujours peur. Ils sont toujours dans la crainte que dans leur action, il y ait un défaut, un manquement, hein, quelque chose qui fait que cette action-là ne soit pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, qu'il n'ait pas été fait avec sincérité, qu'il n'ait pas été fait avec la conscience et la compréhension que cette œuvre, ce n'est pas pour Allah qu'on le fait, c'est pour nous-mêmes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nos œuvres. C'est-à-dire que celui qui lui obéit, il obéit à Allah, c'est pour son bien à lui. Tandis que celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait que du tort à sa propre personne, mais il ne fait aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-hayyul qayyum, al-ghani, celui qui se passe de tout, qui n'a besoin de rien, et tout a besoin de lui. Et donc, de savoir que si on fait un acte de bien, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir est-ce que Allah va l'accepter de notre part ou non. Et il les décrit également en disant d'eux qu'ils sont ceux qui se précipitent et qui font la course vers les bonnes œuvres et vers le bien, et qui devancent les autres dans la piété. Et donc ça, ce sont des belles descriptions que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées à leur sujet. Le fait qu'ils craignent Allah, le fait que lorsqu'ils font du bien, ils se demandent si l'œuvre sera acceptée. Et c'est une des raisons pour laquelle un parmi les imams des salafs, parmi les imams des tabi'in, il disait que le croyant, c'est celui qui a réuni entre la bonté et la peur. Tandis que l'hypocrite, c'est celui qui a réuni entre le fait d'être mauvais, de faire du mal et de la sécurité en même temps. Donc le mu'min, il fait du bien et il a peur que ses œuvres soient rejetées et qu'elles ne soient pas acceptées. Tandis que l'hypocrite, il ne fait pas de bien, il fait du mal, mais malgré tout il a confiance. Hein? Il se tient sur qu'est-ce qu'on appelle les faux espoirs. Le faux espoir, c'est-à-dire il continue à vivre dans le péché et à désobéir à Allah, et puis il dit j'espère que Allah va me pardonner. Mais la personne qui est vraiment sincère dans son espoir en Allah, eh bien elle fait les efforts pour faire le bien et faire ce que Allah lui ordonne et pour se repentir de ses péchés lorsqu'elle a commis une faute, lorsqu'elle a désobéi à Allah. Elle ne continue pas de façon permanente et perpétuelle à faire ce que Allah a interdit et à négliger ses devoirs et ses obligations. Et c'est pour cette raison qu'on regarde, et lorsqu'on regarde dans la voie des salafs, de nos pieux prédécesseurs parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis dans la piété et dans le bien, eh bien on voit que plus ils étaient pieux, plus ils étaient craintifs d'Allah, plus ils avaient peur d'avoir des caractéristiques d'hypocrisie et de faire partie du nombre des hypocrites, des munafiqoun. De même que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a été rapporté de sa part qu'il a demandé à Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu de savoir est-ce que mon nom fait partie du nom des hypocrites qui ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hudhayfa radiallahu anhu lui a dit non, tu n'es pas parmi eux et je ne le dirai à personne d'autre après toi, parce qu'il avait reçu la liste des noms des hypocrites de Médine. Hein? Donc c'est un exemple pour nous. Si Omar radiallahu anhu craignait pour lui-même le nifaq mineur, parce que les ulama ont fait la distinction entre le nifaq al-akbar ou le nifaq al-asrar. Nifaq al-akbar, c'est la mécréance, c'est le kufr. C'est-à-dire que la personne, dans son cœur, elle rejette l'islam. Elle ne croit pas en Allah, elle ne croit pas aux messagers, elle ne croit pas en l'akhira. Elle rejette la foi, mais elle fait semblant d'être musulman en apparence. Elle pratique l'islam, elle fait la salat, elle jeûne, mais elle fait ça pour tromper les croyants. Elle ne croit pas réellement en Allah. Ça, c'est al-munafiq, al-nifaq al-akbar, nifaq al-qalbi. On appelle ça le nifaq al-qalbi. Hein? Elle dit qu'elle est musulmane, elle pratique l'islam, mais dans son cœur, elle déteste la sharia. Elle déteste ce que Allah a révélé. Ça, c'est le munafiq, al-nifaq al-akbar, qui est kafir et qui va être dans le plus bas niveau de l'enfer au jour de la résurrection. فِالدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Tandis qu'il y a النِّفَاق الْأَصْغَرِ, et ce que les ulama aussi appellent comme étant le نِفَاق عَمَلِ, نِفَاق dans les actions. Et ça, tous les musulmans peuvent en faire ou peuvent en avoir en eux-mêmes. Hein? C'est l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le fait que celui qui a les caractéristiques de mentir lorsqu'il parle, de manquer à sa promesse lorsqu'il a promis, de ne pas respecter son engagement et de trahir son engagement, et également celui qui fait preuve de perversité lorsqu'il a une discussion ou un débat avec quelqu'un, il rejette la vérité. Ça fait partie des caractéristiques du munafiq. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a ça comme caractéristique, qu'il est en dehors de l'islam. Mais c'est quand même une caractéristique de nifaq qui peut l'amener à la longue, s'il en réunit beaucoup, plusieurs caractéristiques d'hypocrisie, il risque de tomber dans le nifaq majeur au fur et à mesure qu'il avance. Et donc ça, c'est un rappel pour nous de prendre l'exemple de nos pieux prédécesseurs qui avaient peur pour eux-mêmes de l'hypocrisie, alors que c'était des gens parmi les plus pieux qui faisaient les œuvres de bien. Et donc, c'est à chacun d'entre nous de se mettre dans la balance. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran plusieurs caractéristiques de l'hypocrite, que lorsqu'il se lève pour la salat, il se lève de façon paresseuse pour se faire voir. Et ils ne se rappellent d'Allah que très peu lorsqu'ils font la prière. Donc tout ça, c'est des rappels pour nous de se mettre soi-même dans la balance, de se remettre en question par rapport à notre pratique, par rapport à notre foi, et à savoir, est-ce qu'on n'a pas des choses à se corriger en nous-mêmes par rapport à notre foi, par rapport à notre religion. On a tous des défauts et des manquements. Et c'est à chacun d'entre nous d'essayer de son